soleil s'est couché ce matin. Et tous les drapeaux ont baissé les yeux. Devant ce char d'assaut, nos sanglots montent là-haut. Seul dans son linceul, orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Au fouet d'or. Où fouet boigny d'or. Où fouet d'or. Nana boigny d'or. Allahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul wa huwa kufuwan ahad. Ufueda au feu boigny d'or. Au feu d'or. Nana boigny d'or. Le soleil s'est couché ce matin. Il me restait moi seul. Saisissez ce point de notre histoire. C'est moi qui ai demandé à ce que nous nous inscrivions, l'association aux droits de formation politique. Et j'étais seul. Que faire? Il n'y avait pas un seul inscrit au parti. Dabo Sissoko et à son âme m'a dit, nous sommes tous les deux représentants de la bourgeoisie africaine. On n'a pas recruté les émules compagnons de Lénine dans la famille des Césars. Il s'agit pour nous ici d'une alliance temporelle, non pas permanente. Pendant la dernière guerre, les Européens, les Américains libéraux se sont joints aux communistes russes pour combattre ensemble l'hitlérisme. Après la guerre, se sont séparés. Les Russes ont conservé leur régime. Les Américains et les Européens les leurs. Nous allons contracter une alliance tactique. Nous ne serons pas membres du Parti communiste. J'ai des amis d'Astier, de la Vigérie, de Chambrin, Pierre Cotte, membres du MUR devenu aujourd'hui le Parti progressiste français, apparenté au groupe parlementaire communiste, au groupe parlementaire et non pas au Parti communiste. Je vais leur demander de nous accepter comme apparentés à leur groupe. Non, nous n'étions pas directement apparentés au groupe communiste, encore moins au parti communiste, mais uniquement au parti progressiste d'Astier de la Vigérie. C'est eux qui nous ont apporté à l'apparentement du groupe parlementaire communiste. 1945, à la veille du congrès historique de Bamako, en octobre 1946, nous avons travaillé dans une union totale, l'union dans la diversité. Tous les élus, comme un seul homme, soutenaient les causes que les uns et les autres présentaient au nom de l'Afrique. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets vite irrévocables, mes amis comme un seul homme m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non pas un décret. Mais nous avons travaillé la main dans la main, confiant les uns dans les autres. Et nous avons obtenu dans la première constituante des résultats inespérés. Le président Guy Mollet, il devrait m'appeler à son gouvernement en 1956, avait dit ceci. Quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires d'outre-mer, nous avons eu peur. Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Ah, si nous savions que vous alliez tous siéger à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Mais nous avons travaillé si bien qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituante a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de conscience qui nous a fait déjouer tous leurs plans. Ils se sont réunis en états généraux de la colonisation à Douala, avec à leur tête Jean Rose, le plus raciste des Français de Côte d'Ivoire. Et ils ont envoyé une délégation à la suite de leur délibération pour attirer l'attention des parlementaires français. Ils ne doivent pas se laisser abuser par une minorité d'élus africains, des bourgeois, qui veulent remplacer les Européens, les Français, dans l'exploitation et la surexploitation de leurs propres frères. Leurs arguments ont porté et nous avons vu avec beaucoup de tristesse Hériot descend de son siège présidentiel pour prendre la parole et demander le rejet du titre 6-8 qui nous avait donné tant d'espoir. Il a conclu son discours par ce mot que nous n'oublierons jamais. La France ne veut pas devenir la colonie de ses colonies. Ceci a été salué par un tonnerre d'applaudissements. Et le titre 8 a été rejeté. Alors nous nous sommes réunis pour tirer la leçon de ce défi. Nous nous sommes dit, avec une apparente raison, ils ont dénoncé à ce que nous étions élus seulement par une minorité d'Africains. Or, ce n'est pas nous qui avions établi le collège électoral. Ce sont les colons qui, voulant avoir un nombre restreint facile à influencer ont trié sur le volet la liste des électeurs au niveau de nos territoires d'outre-mer. Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain, un grand mouvement populaire qui pourrait soutenir notre action au Parlement français. Prolonger l'action que nous-mêmes nous venons de mener dans la diversité. Et aussi bien, nous étions les uns avec les communistes, puis des Kosekosko et moi, les autres avec la SPIO, d'autres avec le MFP, d'autres avec le Parti Radical Socialiste. Donc nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Nous étions tous unanimes à inviter toutes les populations de l'ancienne Afrique équatoriale, Afrique occidentale, à se retrouver sur la demande expresse de Fili Dabo Sissoko à Bamako sur le bord du Niger. Mais nous avons compté sans les impénitents de la division, les éternels diviseurs. Alors, que se sont accourus. Qui à pied, à cheval, à bicyclette, qui par voie de quelques rares avions ou de bateaux à Bamako, au jour choisi, avant veille de notre départ de Paris, on venait m'apprendre. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez. Ayons pitié pour ceux qui ont trahi.